vous avez une charge financière en plus, ça doit être une pression. Ouais, bah c'est sûr que maintenant je dois encore plus me bouger pour faire des résultats, pour je dirais ramener des sous. Mais bon, pour l'instant, je dirais ça va. Après, le jour où ça va pas, faudra trouver quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que c'est des frais en plus. Oui. J'en avais déjà beaucoup quand on est 200-300, mais bon, c'est comme ça. C'était mon choix et bon, j'assume. Vous n'avez pas du tout la même vie que les papas qui sont dans le top, hein? Ah ouais, non, mais eux, ils s'en occupent. Je vais pas dire qu'ils s'en occupent pas, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui s'en occupe pour eux. Donc c'est vrai que, et bon, eux, ils ont pas de problème d'argent. Donc c'est vrai que c'est un autre monde. Mais bon, je suis quand même dans la plupart des gens normaux, je dirais. Donc pas de souci. On l'a pas encore dit comment il s'appelait, votre bébé? Noah. Petit Noah. Noah ou Tom? Mais rien à voir. Rien à voir. Lui, c'est son nom de famille. Moi, c'est son prénom, mais c'est pas pour. Je veux dire, j'aime bien Yannick Noah, mais je veux dire, rien à voir, pas fan. Très beau prénom. Lola, Noah, les prénoms de nos joueurs de tennis. C'est sur ce petit clin d'œil qu'on termine ce journal des sports. La suite, évidemment, c'est l'info avec Nathalie Servet. Bonne journée sur Vivacité. Bon réveil, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Objectif 5 millions d'euros, dernière ligne droite pour l'opération Cap 48. Éric Dagony assisté aux dernières répétitions de l'émission télé de ce soir. Nous serons aussi en direct avec Julie Morel. La présentatrice du JT relève un grand défi pour Cap 48, 100 km à pied. 500 lits et 28 salles d'opération, un nouvel hôpital va voir le jour à Bruxelles. La chasse à l'homme se poursuit en Allemagne. Un homme soupçonné de préparer un attentat est recherché activement dans tout le pays. En Formule 1, victoire ce matin de Nico Rosberg au Grand Prix du Japon. Et puis en cyclisme, la saison des classiques se clôture cet après-midi avec Paris-Tours. Vos informations en compagnie de Nathalie Servet. Bonjour à tous. Clap de fin pour Cap 48. La grande opération de la RTBF en faveur des personnes handicapées s'achève ce soir, comme d'habitude par une grande soirée de télé. 3 heures d'émission en direct avec pour thème cette année le handicap qui survient au cours de la vie. Sur le plateau se succéderont témoignages, chanteurs, défis et portraits d'associations soutenues par Cap 48. Éric Dagony a assisté aux dernières répétitions de l'émission dans le studio de Média Rive à Liège. Une émission dont l'animateur Jean-Louis Lahaye est le maître de cérémonie. Dans 5 minutes, on commence à enchaîner. On peut mettre Jean-Louis en place ? On commence dans le noir avec du monde derrière toi. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, ce qu'on va pouvoir voir, c'est des grands moments d'émotion. C'est d'abord une mobilisation générale aussi, tant au niveau de la RTBF que du public. Et puis on va aussi voir quand même une belle brochette d'artistes qui nous font le plaisir, ces artistes, de venir avec nous. Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois. Par exemple, Christophe Maé, Jennifer, il y aura Mesmer, l'hypnotiseur, il y aura Patricia Cass, c'est son grand retour. Le jour est l'heure où tout a basculé. Cette année, le parrain de la soirée, c'est l'animateur télé préféré des Français et comédien Jean-Luc Reichmann. Moi-même, j'ai été touché par l'accident de la route, très grave, très sévère, puisque je suis resté handicapé à un moment donné pendant 1 an. Et en plus, je côtoie le handicap au quotidien, puisque j'ai une petite sœur qui est handicapée, qui plus est. Donc voilà, ces personnes ont besoin de nous, tout simplement. Et si nous, on n'est pas là dans ces moments-là, moi, je me devais d'être présent. Voilà, pour Cap 48, pour la bonne cause, pour la Belgique et pour dire merde, on est ensemble. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver sur le plateau de Cap 48. Et vous le savez, durant toute la soirée, un call center accueillera vos promesses de dons. Le but cette année, je vous le rappelle, dépasser les 5 millions d'euros. Et pour dépasser ces 5 millions d'euros, vous pouvez aussi soutenir nos collègues journalistes qui sont en train de marcher 100 km. C'est leur grand défi pour Cap 48. Un défi lancé par la présentatrice du JT, Julie Morel. Et on va donc retrouver à plus ou moins mi-parcours Julie. Bonjour Julie. Bonjour Nathalie. Ça y est, après un petit déjeuner bien mérité, vous venez de repartir, pas trop difficile ? Ben, quand on s'est posé un petit peu et qu'on a mangé et tout, il faut toujours se remettre quand même un peu en jambe. On n'a pas toujours envie de redémarrer, mais on est motivé. Là, on a fait 60 km. Je pense qu'on a fait le plus dur et voilà, on sera ce soir à Liège. J'espère un maximum d'entre nous, en tout cas. Il y a des petits bobos dans l'équipe, mais il y a aussi une magnifique... équipe de bénévoles, kinés, podologues qui nous accompagnent et qui nous soignent. Donc ça facilite vraiment l'épreuve. Oui, parce que physiquement c'est très dur. Hein. Vous tenez grâce à quoi, vous ? Alors, je tiens grâce à quoi ? Aux aspirines, non. je tiens grâce à vraiment à l'esprit de groupe et à l'objectif qui nous anime, évidemment, parce que c'est pas pour du beurre qu'on marche, on marche pour une super association, et je pense que ça nous donne à tous de l'énergie. Et vraiment l'esprit de groupe aussi, je pense que c'est ça qui nous fait avancer. Quand on a un petit coup de mou, ben voilà, il y a toujours un collègue pour nous épauler, pour nous donner le bras, pour nous aider, pour nous donner un petit remontant. Et puis on rend l'appareil un peu plus tard quand c'est un autre qui va moins bien. Et c'est ça qui nous fait avancer. Voilà, ben merci beaucoup. J'énumérerai les courage à vous et à tous les marcheurs qui sont avec vous. Des marcheurs que vous, auditeurs, vous pouvez encore soutenir en faisant un don sur le site de la RTBF à la page Cap 48. Pas de dons pour le gouvernement fédéral, mais 4,2 milliards d'euros à trouver pour boucler les budgets 2016 et 2017. Les ministres se sont quittés vers minuit, ils se retrouvent aujourd'hui. Selon certaines sources, les discussions avancent, mais difficilement. Le temps presse pourtant, la date limite c'est mardi, jour où le Premier ministre doit prononcer son discours de politique générale à la Chambre. Ce n'est pas très fréquent, un tout nouvel hôpital va ouvrir ses portes l'an prochain à Bruxelles. Un hôpital du groupe privé Schirek à Oderghem, juste à côté de l'arrivée de l'autoroute 411. 500 lits, un service d'urgence, 28 salles d'opération. C'est une grosse structure qui va voir le jour. Hier, le public était invité à visiter le chantier qui s'achève. Plus de 1000 personnes se sont inscrites, au point qu'il a fallu fixer une seconde visite en novembre. Myriam Ball leur a emboîté le pas. Bonjour. Vous êtes inscrite à quelle heure? À 4h20. 4h20. Qu'est-ce que je peux demander? Pourquoi vous êtes venue? Bon, parce qu'on craint bien d'y venir plus tard, compte tenu de mon âge, j'ai 80 ans, donc je vais fréquenter ces lieux. J'anticipe. Essentiellement donc par curiosité, et effectivement aussi comme l'échevin avait parlé d'emploi donc, qui se libérerait, donc voir un petit peu ce qui serait possible. Première vue, formidable. Il y a beaucoup de lumière. De très grandes vitres, une technologie de pointe. Il faudra faire tourner l'hôpital plusieurs mois à vide pour enroder les installations. Donc ici, je vais vous montrer les exemples de chambres, la typique chambre un lit. 80% des chambres ici seront des chambres individuelles. Or, le groupe Schirek y facture des suppléments d'honoraires parmi les plus élevés de Belgique. Le directeur financier se défend de faire un tri, Bruno Lefebvre. Qu'est-ce qui va se passer si les patients ne veulent pas payer de suppléments d'honoraires, mais vont demander à être hospitalisés en chambre à deux lits? Si nous n'avons pas suffisamment de chambres à deux lits, eh bien, ils seront hospitalisés en chambre à un lit, mais sans payer de supplément. L'hôpital est beau, commente une infirmière en formation, mais sa qualité dépendra aussi de son personnel. Il faut le côté humain, très très important. Elle compte voir après l'ouverture si on trouve ici les deux pour éventuellement postuler. En Allemagne, la chasse à l'homme continue. Plusieurs centaines de policiers sont en trousse d'un Syrien de 22 ans, soupçonné de préparer un attentat. Du coup, les contrôles sont renforcés dans les gares et les aéroports. La police allemande invite la population à la plus grande vigilance. Pour l'instant, Yasmina Favaro, toujours pas de traces du suspect. Que sait-on de cet individu ? Eh bien, on connaît son visage. La police a diffusé une photo du jeune Syrien, un homme brun avec une fine barbe. Il porte un pull à capuche noire. Il a donc 22 ans et il aurait des liens avec le groupe terroriste État islamique selon des sources proches de l'enquête. Le jeune homme est donc soupçonné de préparer un attentat. La cible serait un aéroport. Par contre, la police refuse de confirmer cette hypothèse. Trois personnes de l'entourage du suspect ont été interpellées, mais pour l'instant, personne ne sait où il se trouve ni s'il est armé. Il est passé entre les mailles du filet des policiers, alors qu'il était surveillé depuis quelque temps déjà. Ouais, d'ailleurs, hier, les enquêteurs ont perquisitionné le logement du jeune Syrien. Ils y ont retrouvé des explosifs. Des explosifs très dangereux. Apparemment, la police a préféré les faire exploser sur place. Le quartier où il vivait à Chemnitz, cette ville de l'Est de l'Allemagne, avait d'ailleurs été évacué. Et lors de l'explosion de cette charge d'une centaine de grammes, l'onde de choc a été ressentie jusqu'à plus d'une centaine de mètres dans le sol. C'est dire comme cette substance peut faire des dégâts. Elle est plus dangereuse que la TNT. Autre détail, c'est un explosif très prisé par le groupe terroriste État islamique. Donald Trump entre mauvaise posture. Ses propos obscènes sur les femmes provoquent toujours beaucoup de remous. À part son épouse qui continue à le soutenir, le candidat républicain se retrouve bien seul. À moins de 24 heures du débat avec sa rivale Hillary Clinton, Frédéric Carbone, Donald Trump a du souci à se faire. Les deux candidats ont prévenu, ils n'ont pas l'intention la nuit prochaine de s'épargner. Hillary Clinton ne s'est pas exprimée après la tempête suscitée par les propos sexistes et machistes de Donald Trump. Elle a juste lancé cet appel sur les réseaux sociaux. Nous les femmes, nous pouvons l'empêcher d'être président. Quant à Donald Trump, il a donné le ton dans son soi-disant message d'excuse en qualifiant Bill Clinton de prédateur sexuel. Une partie de son entourage lui conseille d'ailleurs de concentrer ses attaques sur l'ancien président. Le candidat républicain n'affiche aucun doute avant son rendez-vous. Il proclame que rien ne le fera renoncer, mais il apparaît plus isolé que jamais. Au lieu de se concentrer sur le débat, il doit passer son week-end en mode gestion de crise avec son équipe. Comment répondre à la fuite des élus qui ne le soutiennent plus? Quel tandem désormais avec Mike Pence, un vice-président outré par sa conduite, est-il en fait encore le candidat du Parti républicain? Tout cela dramatise un peu plus l'enjeu de la nuit prochaine. Donald Trump n'aura pas Hillary Clinton comme adversaire. Certains de ses amis n'attendent qu'une nouvelle défaillance pour précipiter sa chute. Frédéric Carbone de Radio France. Direction le Japon pour Philippe et Mathilde. Un voyage royal dans le cadre du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre Bruxelles et Tokyo. Durée du voyage prévue 5 jours. On passe au sport. En tennis, David Goffin a échoué en finale à Tokyo. Il vient de s'incliner face à l'Australien Kyrgios. C'est donc ce résultat, Arnaud Montero. Oui, Nick Kyrgios, il est 14e mondial. Il est très grand. Il a un super service. Malgré ça, David Goffin a remporté le premier set 6-4. Ensuite, il a perdu malheureusement les deux suivants, 6-3 dans le deuxième et 7-5 dans le troisième, où il a perdu son service au plus mauvais moment, c'est-à-dire à la toute fin du set. Goffin n'a plus gagné de tournoi ATP depuis 2 ans, mais va tout de même remonter à la 12e place mondiale. Il est toujours en course pour les Masters. Et on ne quitte pas le Japon avec la victoire de Nico Rosberg au Grand Prix de Formule 1. Oui, c'est l'Allemand. Il a mené de bout en bout et marque des points peut-être décisifs pour la course au titre. Son équipier et concurrent Lewis Hamilton a sauvé le suspense en prenant la 3e place après avoir complètement loupé son départ sur une piste très humide. Max Verstappen s'intercale et prend la 2e place. Un titre mondial est tombé ce matin, celui des constructeurs pour Mercedes, qui a archi dominé cette saison. Et des nouvelles des Diables Rouges, ils s'envolent aujourd'hui vers Gibraltar. Oui, match prévu demain soir à 21h45 et Sébastien Pocognoli, on l'a appris ce matin, a été rappelé pour remplacer Jordan Lukaku blessé. Et en cyclisme, la saison des classiques se clôture cet après-midi avec Paris-Tours. Oui, la classique des feuilles mortes, comme on l'appelle, plus que jamais promise aux sprinteurs, car le parcours a été allégé en fonction du mondial au Qatar. Greg Van Avermaet est donc déçu. Il aime les fins de course costaudes. Écoutez-le avec Kevin Papen. Il n'y a pas beaucoup de vent, aussi pas de côte dans la fin. C'est un peu dommage, je pense, pour moi, parce que normalement, j'ai fait la différence là, dans la côte. Une course comme Paris-Tours, c'est un classique. Et on ne peut pas changer ça pour faire un championnat du monde à Qatar. C'est dommage. Ça vous déçoit, ce changement de parcours? Ouais. Quand il y a le vent, ouais, j'ai une chance pour gagner. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Un départ de Paris-Tours à 11h, arrivé vers 17h, c'est à suivre sur Viva évidemment. Merci Arnaud, on va voir tout de suite comment ça roule avec Adrien Demey. Pas trop mal dans l'ensemble, un accident tout de même sur le 42 Bâtisse vers Prume à hauteur de Dizon. Suite à cet accident signalé au kilomètre 4.1, c'est la bande de gauche qui est neutralisée à Dizon donc vers l'Allemagne. Et puis ces objets encombrants sur la 54 Charleroi vers Nivelles, ce sont deux fauteuils qui se trouvent à hauteur de Lutre au kilomètre 11.1. Ces deux fauteuils pliants se trouvent entre les deux voies de circulation, donc vous concernent forcément si vous circulez dans ce secteur vers Nivelles. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 9h13, excellent dimanche à tous. Tout de suite, les enfants de cœur avec Jean-Jacques Brenin. Merci Nathalie Servet. Ce matin, les enfants de cœur sont à la frontière française à Momigny. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Les enfants de cœur sur Vivacité. Bonjour à vous, que vous soyez ici ou ailleurs. Ce dimanche, nous jouons à guichet fermé au Cursal de Momigny à l'invitation du comité jumelage avec la collaboration du centre culturel de la localité, à savoir Momigny. Merci donc à Henri Nicodème et son équipe. Nous recevons ce dimanche un tout grand de la bande dessinée qui nous arrive dans un instant. Mais tout d'abord, l'équipe des chroniqueurs des Enfants de Cœur sur le thème des personnages de bande dessinée qui pourraient leur ressembler. Et par exemple, Lucky Luke. Pour celui qui vanne plus vite que son ombre, Christophe Bourdon. Bonjour Jean-Jacques. J'ai eu peur, que vous allez dire celui qui tire plus vite que son ombre. Gaston, évidemment, l'inénarrable Gaston, Manfin, l'éternel distrait, l'incroyable gaffeur, mais tellement attachant, il s'appelle James Dino. Bonjour tout le monde. Pour lui, j'ai choisi Raymond Bidochon avec son tablier à carreaux et son très mauvais caractère, celle qui ressemble le plus à sa charmante voisine Fernande, Dominique Watrin. Bonjour à tous. Et enfin, pour le quatrième personnage de la bande dessinée, Hamster Jovial et Guéluron pour sa bonne humeur communicative et son sourire tenace, Cody. Bonjour, Mamini. Vous voyez, c'est pas compliqué. Notre invité est un des maîtres incontestés de la bande dessinée depuis 50 ans. Il nous charme avec ses personnages incontournables, Olivier, Rameau et Colombine, Bernard Prince, Arlequin, mais aussi ses albums coquins et Ludivine, sa petite dernière. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Dany. Bonjour mon cher Dany. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Mais très bien, je suis très content de retrouver toute cette bande. Ouais, et un peu anxieux, et puis ce très beau public aussi. Ah oui, il est formidable, hein. Il est en forme. Je crois que la chimée y est pour quelque chose. Dany, infatigable travailleur. Ah bon? Infatigable voyageur. Ça oui, d'accord. Vous revenez d'où? Non, là ça va, de chez moi, là je travaille. Juillet et août, c'est les deux mois où je travaille, moi en fait. Non, mais... Oui, travailler à la commune. Non, mais c'est vrai que vous voyagez énormément, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail. C'est toujours pour le travail, c'est le voyage de documentation, etc. Mais je n'en peux rien si c'est aux Caraïbes, à l'île Maurice ou autre chose. C'est pas de ma faute. Hein. Ah oui, quand vous dites vous partez là-bas, c'est pour vous documenter, pour absolument, repérer des paysages. Absolument, vous avez vu mes albums, ou croyez-vous qu'on trouve toutes ces créatures de rêve? Dans d'autres albums. Oui. À Momigny, évidemment. À Momigny, oui. Ah oui, on peut vous en présenter quelques-unes. Ah bon? On a eu quelques rencontres assez inoubliables. Vous êtes là depuis plusieurs jours, c'est ça? Il n'a pas fallu ça, quelques heures suffisent, mon cher Dany. Mais tout le monde n'a pas votre charme, mon cher Jean-Jacques. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, mesdames, messieurs, voici les Enfants de Cœur. Vous êtes ici parce que vous avez écrit une pièce, mais est-ce qu'on vous a dit que quand on dit écrire une pièce, on ne parle pas d'écrire le nom d'une pièce de la maison? Je dis ça parce que vous avez écrit les caves. La prochaine, ce sera la chambre à coucher. La cuisine, le grenier ou les toilettes, la prochaine? Jusqu'à 10h30, les Enfants de Cœur sont sur Vivacité. Nous sommes ce dimanche matin au Kursaal de Momigny, plein à craquer. C'est vrai que c'est une très très belle région, c'est-à-dire très beau paysage, très beau village. C'est aussi la région dans laquelle Danny Boone a tourné Rien à déclarer. Ouais. Vous avez été figurant dans le film de Danny Boone? Oui. Ah oui, il y a quelques-uns quand même. Vous avez des souvenirs, je suppose, de ça. C'est un tout autre moment. On en reconnaît, là. Oui, quelques-uns, là. Et pour vous mettre en appétit, le nouvel album de Danny s'appelle Ludivine. Oui, montrez-le à la radio, Jean-Jacques. Oui. Je le montre au public. Et je profite également, Christophe, des caméras pour le montrer à ceux qui nous regardent. Ludivine, l'histoire sans dessus-dessous. Ludivine. Ingénue ou grosse coquine? Répondez franchement. Un peu les deux. C'est vrai qu'elle ne comprend pas toujours pourquoi tout le monde a envie de lui sauter dessus. Mais bon, voilà. C'est une récréation, cet album. Mmh. Parce que j'adore l'histoire. J'adore dessiner les jolies filles. Ça, c'est un secret pour personne. Et donc là, on a concilié les deux. Et par un petit mystère informatique, notre personnage, donc Ludivine, est envoyé dans le passé. Mmh. Mais c'est surtout un gros prétexte à ce qu'elle perde ses vêtements au fil des pages. Voilà. Ah, fallait le dire tout de suite. On achète. toute vraisemblance avec celle qui vient serait totalement fortuite. J'imagine, mon cher Dominique Watrin, qu'il s'agit de Fernande. Hein. Bah, évidemment. Merde. Oh là là. Mettre un proche à l'honneur, c'est parfois plus compliqué qu'on ne le croit. Je ne voulais pas exagérer, mais quand j'ai entendu qu'on avait canonisé Mère Teresa, je me suis dit, pourquoi ne pas offrir ça à ma voisine Fernande ? Elle est aussi gentille que Mère Teresa, elle a le même goût pour s'habiller... Et elle a eu presque le même destin. Mère Teresa s'est occupée des enfants d'Inde jusqu'à la fin de sa vie. Et Fernande s'est occupée d'un cochon d'Inde jusqu'à la fin de sa vie. Du cochon d'Inde. Aussitôt, j'ai fondé un comité de gaine. C'est un comité de soutien, mais en plus large. Pour Fernande, il faut bien ça, avec moi tout seul dedans. Mon erreur, ça a été de me renseigner trop tard. En fait, pour être canonisé, il faut être mort et avoir accompli deux miracles. Pas découragé du tout, j'ai pensé, trouvons-lui deux miracles à faire, il sera encore temps de voir après pour la mort. Au pire, je pourrais même peut-être négocier avec le Vatican... que presque morte, ça compte déjà. Pour faire d'une pierre deux coups au niveau des miracles, j'ai eu l'idée de chercher des jumeaux. Et question sorte de miracle, la première idée qui m'est venue, je ne sais pas pourquoi, c'est guérison de lépreux. Je ne veux pas me chercher des excuses, mais quand on sait qu'un homme moyen parti faire des courses, à qui sa femme a dit « prends-moi une boîte de protège-slip », à l'air du notari dans un cours de Zumba lorsqu'il se retrouve au milieu du rayon. Imaginez comment c'est lorsqu'un homme, même exceptionnel comme moi, doit trouver une paire de lépreux au pied levé. Et je ne parle pas du pied du lépreux puisqu'ils n'en ont presque plus. Et vous applaudissez. Belle mentalité, mon mini. Décidé, j'ai donc commencé à sonner successivement à toutes les portes de ma rue. En voyant la tête des gens à qui je demandais « Vous n'avez pas des jumeaux lépreux à prêter ?» Même s'ils ne sont pas complets, ça ira. J'ai très vite réalisé que je devais trouver un autre miracle. La multiplication des pains, ça n'allait pas. La seule chose que Fernande n'a jamais réussi à multiplier, ce sont les mouchettes sur ses dents quand elle roule en vélo. Changer l'eau en vin quand je vois que Fernande n'arrive déjà pas à changer un steak et une pomme de terre en nourriture comestible, pas la peine. J'ai donc opté pour lui faire transformer deux femmes adultères en femmes vertueuses. Ça devait être dans ses cordes vu que sa crèche n'a plus vu un petit Jésus depuis avant l'invention du préservatif en silex. Comme je savais que l'épouse de mon boucher... et l'épouse de mon garagiste trompait leur mari avec leur professeur de yoga, j'ai gagné du temps. Je suis allé les trouver, l'un après l'autre, et je leur ai demandé, en leur expliquant quelques détails assez croustillants que je tenais de mes copains de bistrot, s'ils ne pouvaient pas me prêter chacun leur femme pour la canonisation de Fernande. Objectivement, ils ont eu l'air très surpris. Et pour être précis, nettement plus étonné d'apprendre qu'ils étaient plus cocus qu'un singe bonobo que de ma demande de me prêter leur épouse. Au niveau des miracles, j'ai donc été immédiatement forgaté, mais pas par Fernande. Le boucher a transformé le jour même le professeur de yoga en gigot, en position du lotus, mais fané. Et le garagiste a transformé sa voiture en décapotable, rien qu'avec une disqueuse et ses bras. Voilà, j'ai donc posté ma lettre de demande de canonisation au Vatican hier soir, en expliquant au pape que Fernande a réussi deux miracles, sans bouger et sans le savoir. J'attends maintenant la réponse, et j'espère qu'ils font des auréoles en lycra pour que ce soit sorti à son tablier. Je vous remercie. Il s'appelle Dominique Watrin. ma voisine Fernande, également librairie, et en images sur la plateforme Ovio. Vous savez, mon cher Dany, que l'on ne repart jamais les mains vides des enfants de cœur. Il y a toujours un petit cadeau pour les invités. Et surtout pour les invités sympathiques que vous êtes. Il y a des choses extraordinaires dedans. Non seulement les macarons, mais des variétés étonnantes de chocolat. Tout ça offert par notre partenaire depuis tant d'années, Jean-Philippe Darcy. Vous allez vous régaler. Toutes les informations sur le www.darcy.be. La question mystère en compagnie de Cody. Sympa d'applaudir. Alors... Oh, je plaisante. Je plaisante. Alors, la question mystère. Cela se passe à Troutbeck, dans le comté de Cumbria, en Angleterre. Que fait l'agriculteur Pip Simpson à ses 800 moutons? Ça a un rapport avec son prénom? Non, non, monsieur, non. Il le fait tous les jours? Il le fait une fois, hein, 800. Ah bah alors, ça a un rapport avec son prénom. C'est un... Pip pas trop de pète, c'est comment le... Pip pas trop de pète. Non, c'est la région, ça, Troutbeck. Il bon. Est... Attends. C'est sexuel ou pas ça? Oui. Non. Il les épile? Non. Non, c'est-à-dire qu'il veut... Il les atteint. Non, il y a un problème de vol. Hein. Oui. On a volé ses moutons. Il les tatoue. On veut les voler constamment et donc il veut trouver une solution. On les tatoue. Il leur met des antivols, non? C'est pas bête, ça. On les tatoue pas, mais c'est pas loin. Il leur met une puce. Et il leur met, c'est ça? Non, il leur met pas de puce, mais on n'est pas loin du tatouage. Il les déguise en kangourou. c'est presque ça. Le gong vient de retentir. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse dans le public? Il y a une madame là-bas, je vois. Madame. Il est... Il les a mis en couleur. Exactement. Madame vient de le dire dans le public. Il a teint ses moutons en orange pour empêcher leur vol. Hein, donc voilà. Je lui ai demandé si tu les avais teint. Il l'a dit. Est-ce que tu m'as dit non? Ah, c'est vrai? Oui. Oui. Ah, autant pour moi. Madame n'a fait que répéter. N'a fait que répéter ce qu'elle avait entendu. Non, mais j'avais compris, il éteint le mouton. Je dis, mais il éteint le mouton avec un interrupteur, bien sûr. Évidemment. Comme quoi les connards sont sur la scène. Il est grand temps de la petite pause. Et puis nous nous retrouverons juste après avec la chronique et les questions de James Dino et cette question mystère sonore. Et à tout de suite. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui. Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Le non-tuitif n'a pas vu venir la révolution informatique. Non, pour les feignants, ça. Les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment cru. Non, une perte de temps. Tablette, smartphone? Non, pas besoin. Et bien sûr, le non-tuitif passera également à côté de MyMicroInvest.com, la plateforme qui vous permet d'investir dans des startups belges visionnaires. Et ceci à partir de 100 euros. MyMicroInvest.com. Dites oui aux entreprises de demain. Ça, j'aime bien, j'ai encore rêvé d'elle. Moi, le problème dans cette chanson-là, c'est que j'ai jamais tout compris. Je l'ai rêvé si fort que mes draps s'en souviennent. En plus, moi, j'ai une couette. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Jean-Michel de Bénezet, toujours très attendu, ce sera donc... Tout à l'heure, soyez un petit peu patient. Une citation bien sympathique. Un baiser, c'est une demande adressée au deuxième étage pour savoir si le premier est libre. Oh. Qui a dit ça? Elle est belle, hein? C'est pas mal. Alphonse Karr. Alphonse Karr. Ouais. J'en connais une autre, mais elle est moins raffinée. Les femmes ont deux paires de lèvres, une pour dire des bêtises, l'autre pour se les faire pardonner. N'applaudissez pas! Ne l'encouragez pas. Et on l'éteint comment? Dany, notre invité pour parler BD. Et c'est vrai qu'on est dans une période importante, les 70 ans de Tintin. Ah oui, absolument. Ouais, et on a fêté ça dignement avec toute l'équipe. Il y a encore quelques survivants de l'âge d'or, notamment du château qui était là, qui était l'invité d'honneur. Et voilà, c'était une très très belle fête qui a eu lieu là, il y a une dizaine de jours. 15. Et se dire que la bande dessinée belge se porte vraiment très bien. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Vous savez qu'on sort pratiquement 5000 albums nouveautés, 5000 titres par an. Mm-hmm. En bande dessinée. Je lance d'ailleurs un appel à la population parce que c'est vraiment. Pour le métier de dessinateur. Les scénaristes vraiment nécessiteux, c'est ça Les scénaristes, je m'en fous parce que je suis dessinateur. Mais... mais vous avez encore combien de BD différentes alors en ce moment? Oui. En fait, combien de différentes? Parce que Ludivine, c'est une nouvelle. Oui, c'est vrai que j'en ai 3 sur le feu en ce moment. 3, oui. Ouais. 3 trucs différents. Je fais un. C'est un scoop, je fais un Spirou, le Spirou 2. Et c'est pour quand? L'année prochaine. Allez, mon cher Dany, sous le feu des questions de James Dino, voici ses questions Zarbi. Pourquoi? Pour qui? Où ça? Avec qui? Pour ça? Combien? À quelle heure? À quelle heure? Saviez-vous? Mais comment? Alors, cher Dany, donc vous êtes évidemment donc dans la bande dessinée érotique, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Le mot bande ou le mot dessiné? L'un amène l'autre, absolument. Alors, vous dessinez de superbes femmes nues, vous nous faites saliver les pupilles. C'est vrai, j'ai inventé. Saliver. Il y a une contrepétrie là, oui. Les pupilles, absolument. Est-ce que vous avez déjà pensé à adapter vos dessins en relief pour nos amis malvoyants? En braille, oui, c'est ouais, ça. Il faudrait y penser, de faire un peu de braille. Est-ce que c'est vous qui avez inspiré Serge Gainsbourg pour la chanson « Dany aime les sucettes à Dany » C'est pas vous. Tout le monde se lève pour Dany aussi. Oui, tout le monde se lève pour Dany. Alors je me posais la question, est-ce que on en parlait tout à l'heure, vos BD s'exportent bien en Arabie Saoudite par exemple? Est-ce que, je dis ça parce qu'avec toutes les femmes nues qu'il faut recouvrir dans vos albums, ça doit coûter cher en encre noire. Non, mais j'ai, à ce propos, j'ai une anecdote. J'ai été publié c'était pas les albums coquins, c'était Olivier Rameau. J'ai été publié en Égypte et là, sans demander mon avis d'ailleurs, Colombe qui a un beau décolleté et court vêtu, elle avait une jupe qui avait été rallongée dans toutes les images jusqu'aux chevilles et un petit col Claudine comme ça. C'était assez joli, je dois dire, mais c'était bien fait. Mais bon, c'était plus exactement Colombe. Et sans vous en parler donc. Hein, non, là, oui, j'ai découvert quand j'ai eu l'exemplaire égyptien. Et au Brésil, elle avait un sexe. Ça fait Colomba. Et s'il c'était faut, Colombo. Moi, je dessine. J'ai une toute dernière question, Jean-Jacques, si vous me permettez. Franchement, Dany, on est entre nous, on est à Momini, on est loin de tout. Je pense qu'on peut. Calmez-vous. Franchement, Dany, non, allez, franchement, on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Le gros zizi à Bruxelles sur la façade. C'est vous, non? Il y a eu un deuxième, d'ailleurs. Oui. Une pénétration. Oui. C'est plutôt mon style. Parce que le premier, il était au repos, si je me souviens. Oui. Votre commentaire par rapport à ce dessin? Moi, ça m'a fait plutôt rigoler, mais je sais pas, il y a beaucoup de provocations en ce moment de part et d'autre. C'est et donc, méchant, ça m'a fait rigoler. Et en plus, c'était bien fait. C'était super bien fait, exactement. Ouais, non, j'aimais bien une dame qui avait été interviewée, j'ai vu ça. Oui. J'avais vu ça. Et alors, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Jean-Jacques, c'est quand même honteux de dessiner un sexe dans la ville de Mannequin Peace, hein, franchement. Et celui pour lequel il faut avoir beaucoup de respect, c'est le type qui s'est mis contre le mur pour se faire décalquer. En fait, je crois qu'on l'a écrasé contre le mur. Allez, chers amis, la question mystère sonore avec donc ce monsieur qui, un 14 février, jour de la Saint-Valentin, doit acheter un cadeau à sa femme. Écoutez plutôt. Les mâles ne savent pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Je vais dans les rayons pour essayer de me dire, bon, qu'est-ce que je vais? Là, pareil, pas un bouquet, pas un collier, elle a déjà. Et j'ai acheté... Pas un bouquin, pas un collier, celle a déjà. Et donc, j'ai acheté... Une foreuse, non? Non. Non, mais c'est pas idiot. Un truc de mec, c'est ça? Un truc qui a rien à voir? Vous trouvez, oui. Bah, on pose la question, un truc de mec? Non, un truc de femme. Ah. Un truc de femme. Des vêtements? À faire à repasser? Non. Oui, un truc machiste, c'est ça, oui. Genre faire oui, repasser. On peut voir ça, oui, un peu misogyne. Un aspirateur. Un tablier. On est sur la bonne voie. Un livre de cuisine? Non. Un cours de cuisine, non. Non. C'est un électroménager? Précisons aussi oui. que ce monsieur est relativement radin. Ah oui, d'accord. C'est un rouleau à pâtisserie. C'est encore moins cher que ça. Un bon de réduction. Un ticket de subito. Un décapsuleur. Une louche. Non, pas du tout. Un truc gratuit qu'il a reçu Non, il a réellement acheté. Un balai. Un comptoir, acheté quelque chose, mais pas tellement au goût de sa femme. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous ne trouverez pas précisément la réponse. Un bouquet, pas un collier, elle a déjà. Et j'ai acheté une paire de gants de vaisselle. Est-ce qu'elle les a essayés, je pense? Non, elle me les a littéralement jetés à la figure. Et gants pour la vaisselle, comme cadeau de Saint-Valentin, Christophe ne recule devant rien pour économiser. C'est horrible. Terrible, hein? Horrible. C'est épouvantable. Épouvantable. Et pourtant... il en existe des comme ça, mais pas ici à Momigny, évidemment. À tout de suite. Pour écrire aux Enfants de Cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. En octobre, Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet? Un canapé-lit ou un relax? Dans des draps soyeux sous une bonne couette? Le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah, très bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille? Alors là, mais je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez-la, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Oh, il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Ça va, tiche. Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La fureur de lire. Du 12 au 16 octobre, rendez-vous dans les bibliothèques, les librairies et d'autres lieux en Wallonie et à Bruxelles pour participer à des centaines d'activités gratuites autour de la lecture. Lire, c'est grandir. Programme complet, fureurdelire.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le soutien de la 2 et Vivacité. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10. Faut te reprendre, hein. Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Qui est les enfants de cœur de Vivacité. Qui de 9h à 10h30. Qui le nouveau culte du dimanche. Au Cursal, ici à Momigny, avec le comité jumelage et le centre culturel. Cher public, c'est à vous. On l'entend bien, il est en forme, notre invité. Dany, pour l'album L'Histoire sans dessus-dessous, l'histoire de Ludivine à travers le temps. Que j'ai fait avec deux copains, oui. Eroc et Rodrigue. Rodrigue a eu l'idée au départ et le scénariste est Eroc. Eroc est le scénariste des profs. Vous avez certainement entendu parler des profs, il y a eu deux films, etc. Voilà. C'est de plus en plus lié, la BD et le cinéma. On a l'impression qu'il y a plein d'adaptations. Il y a pas mal de passerelles, oui. D'ailleurs, pour être invité pour parler de BD, il faut faire un film. vous, il n'y a pas beaucoup de chance d'être invité, à part, bien évidemment, aux Enfants de cœur. Et vous, il n'y a jamais de projet, vous, d'adaptation? Il y a eu... comment on appelle ça? Ce sont des gens qui prennent des options, oui. Selon Olivier Rameau. Et ce qui est bien, c'est qu'ils renouvellent ces options. Ce qui n'est pas bien, c'est que ça va rarement jusqu'au bout. Mais quand on renouvelle les options pendant 5 ans, on touche quand même du pognon. Donc. C'est bien ça. Mais il n'y a pas de film au bout du compte. Voici pour vous le journal des bonnes nouvelles et aux commandes de ce journal, l'ami Cody. Bonjour. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal des bonnes nouvelles. Et on commence tout de suite avec une nouvelle qui concerne le sport. Vous savez que suite aux Jeux paralympiques de Rio, nous avons voulu en savoir un petit peu plus sur le cécifoot, donc cette discipline qui permet aux malvoyants de pratiquer le football. Écoutez plutôt l'interview de Bruno Lemoine, entraîneur de l'équipe belge de cécifoot. À gauche, à droite, voilà, oui, le goal est libre, tu es à un mètre, tire. Oh, à côté, mais vous ratez à chaque fois. Bonjour, bonjour, monsieur. Vous êtes donc le nouvel entraîneur de l'équipe nationale belge de cécifoot ? Ah non, pas du tout, je suis Alexander Jankovic, l'entraîneur de Standard, moi. Ah. Après la conversion à l'islam de la chanteuse Diams, c'est au tour de Muriel Robin de décider de changer, d'arrêter l'humour pour se convertir au judaïsme. Elle demande donc à ce qu'on l'appelle dorénavant Muriel Rabin. International, la visite du président Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, qui a rencontré le pape au Vatican. Ce dernier lui aurait demandé de ne venir uniquement que s'il avait la foi. Demande qui a été respectée à la lettre par le leader de la RDC qui est apparu avec les fois des différents opposants. Science, selon une étude, le gène de l'intelligence serait transmis par la mère alors que l'adultère serait transmis par la père. L'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy ressurgit avec la sortie d'un livre polémique sur l'ancien président français. C'est l'équivalent de 50 millions d'euros qui auraient été transités depuis la Libye vers les comptes parisiens. Sarkozy devra certainement à nouveau donner des explications pour se tirer d'affaire et devenir paradoxalement le nouveau roi de la Libye. La chanteuse française Zaz va sortir un album tout en espagnol. Selon nos sources, il va s'appeler Ibizaz. Insolite, Bernard, un Namurois de 45 ans, a retrouvé son Nokia 3310 dans une vieille mallette qu'il avait perdue depuis 15 ans. Et chose incroyable, il était encore allumé avec 15% de batterie. De quoi énerver les utilisateurs d'iPhone. Santé, selon une étude, on se brosse les dents en moyenne 42 secondes par jour. Selon une autre étude, Franck Ribéry se brosserait aussi les dents pendant 42 secondes, mais par an. Et on termine cette édition avec le dicton du jour. Mieux vaut avoir vu sur la mer que d'avoir vu sur sa belle-mère. Merci. C'était le journal des bonnes nouvelles, pas de bonnes nouvelles. Merci mon cher Cody, la chronique des bonnes nouvelles en images sur la plateforme Ovio. C'est l'heure du personnage mystère, il est dans la salle, il est d'ici et il va nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Jean-Claude Dresse. Alors Jean-Claude, évidemment à Momini est bien connu, si je ne m'abuse vous le connaissez. Oui. Personnalité effectivement. Mais il y a une chose particulière que vous allez devoir découvrir avec vos questions. Alors, Jean-Claude, je vous le situe un petit peu, est sculpteur, il est peintre, un artiste. Oui. Pourquoi son nom est-il aujourd'hui en phase avec l'actualité internationale ? C'est lui qui a peint le zizi. Oui. Sur les vous pouvez répondre, Jean-Claude. C'est lui qui a servi de modèle. Ce n'est pas international. Non, c'était son zizi. Jean-Claude Dresse, ça fait nom d'acteur porno, ça, non ? Ah, ce n'est pas faux, mais on vous a donné une mauvaise information. J'ai doublé quelquefois Sico Siffredi quand il était fatigué. Oh, ça a été une période de ma vie. Oh, on s'éloigne du sujet. Il n'a pas dit Rocco, il a dit Sico. Hein. C'est pas le même. Ouais. Sculpteur, peintre, sculpteur. Artiste, il a exposé dans le monde entier, New York, Londres, etc. Il a fait un objet récemment pour une... Voilà Dominique, bravo. Voilà. Effectivement, mais pour qui ? Donnez-moi un nom, de famille. Obama. Non. Trump. Il a fait le portrait de Donald Trump. Trump. Donald Trump. Alors, Jean-Claude... Le coiffeur de Donald Trump. Oui. Non. Alors, Jean-Claude, expliquez-nous, effectivement, la bonne réponse, c'est Trump, mais pourquoi ? Eh bien, j'ai travaillé pendant 20 ans avec mon papa. Nous fabriquions des tables d'art, des tables de salon, de salle à manger, d'art, ici en Belgique. Il y a eu une école, d'ailleurs, à cette époque. Et ces tables ont aujourd'hui pris une très grande valeur. Elles sont vendues un peu partout dans les grandes capitales du monde. Et Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, en a acheté une. Et la photo apparue sur Elle Décoration Amérique. Et c'est une table dresse, donc, qui vient de Momini, qui est dans son nouvel appartement non, qu'elle a à Manhattan. On ne dit pas c'est une table dresse, on dit dresse la table. Ah oui, mais ça c'est... Jean-Claude, donc, pour, voilà. Pour ne pas affoler votre contrôleur des impôts, c'est de quel ordre ? Il y a combien de zéros ? Pour parler en franc belge, il y a 6 zéros derrière. Ah oui, ah. Ah oui d'accord. Ah oui, et peut-être pas c'est... un seul chiffre devant alors. Oui. Non, c'est comme notre cachet. Allez, c'est incroyable. Faut pas mettre ses pieds dessus, quoi. C'est comme notre cachet, Jean-Jacques. Oui, c'est ça, c'est pour mettre ses pieds dessus, oui. Je vais vous dire une chose, je n'aurais jamais pensé quand je travaillais avec mon papa, parce que la mode à un certain moment a passé, qu'un jour ça reviendrait à la surface et ça prendrait une valeur. Vous savez, Donald Trump non plus n'a jamais pensé. Ah, mais... Vous découvriez, je suppose, cette émission des Enfants de cœur, votre impression pour un dimanche matin. Oh, ben écoutez, c'est une émission qui met de bonne humeur et je me fais fort maintenant de l'écouter le dimanche matin, si j'arrive à me lever. Il y a le podcast, on peut rattraper tout ça. Ah bon, d'accord. Oui. Merci beaucoup Jean-Claude, excellent dimanche à vous. C'est avec plaisir, merci beaucoup. Bravo. Nous retrouverons Bruno Coppens en infomane juste après la pause. Retrouvez les Enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi. En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Hé, Bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Hé, hey, Bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Quoi de plus essentiel qu'un bon sommeil? Choisissez une literie adaptée et rêvez. Avec les meubles Willy van der Elst, poids, taille, problème de dos, nos conseillers vous aident à trouver un couchage sur mesure. Willy van der Elst, 225 chaussée de Helmet à Bruxelles. En octobre, 21% de TVA remboursée hors promo, même les dimanches après-midi. Et la Viva Cité. 9h-10h30. Votre femme sur scène a une tenue quand même très très légère. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déplorer un sein qui sort? Quel homme a jamais déploré un sein qui sort? Propre femme. Qui sort de scène peut-être. Les enfants de cœur. Depuis le Cursalicia Momini, notre invité, dessinateur de bande dessinée, Dany, pour son nouvel album, Ludivine, l'histoire, sens dessus dessous, et puis avec les albums coquins également. Je pense que ce à quoi vous attachez, mon cher Dany, c'est que c'est un peu léger, un peu grivois, mais vous veillez à ce que ne soit jamais vulgaire. Ben, je l'espère. En tout cas, j'en ai la preuve parce que j'ai un public féminin très important. Et c'est vrai, que, oui. Ouais. Je crois que si j'étais vulgaire, aucune femme, en tout cas aucune que je connais, ne lirait ces albums. Non. Et vous êtes un bel homme aussi, donc peut-être que vous attirez... Non, c'est vrai que c'est un bel homme, mesdames. Oui, vous voyez l'engouement. Spontané. Alors, chers amis, c'est l'heure de retrouver un infomane. Notre infomane, c'est Bruno Coppens. Les enfants de cœur. Ah oui, quel plaisir de retrouver chaque dimanche matin Bruno Coppens dans Les Enfants de cœur. Bruno, où êtes-vous aujourd'hui? Désolé Jean-Jacques et toute l'équipe, j'étais distrait. En fait, je cherche des informations. Ouais, un peu distrait Bruno, mais qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous écoutiez quoi là? En fait, je cherche des informations sur les bandes dessinées de Dany. J'ai donc tapé Ludivine sur le net et je suis tombé sur Ludivine la coquine, Ludivine la câline, Ludivine fait de la mousseline et Ludivine aux os avec Martine. Bon Bruno, je ne vous apprends rien, nous sommes en public à Momini. Ah oui, c'est vrai. Vous allez bien, public de Momini? Est-ce que les filles et les femmes du public, les momignonnettes, vous pourriez, pour faire plaisir à Dani qui adore tout ce qui est coquin, imiter le rire coquin de Ludivine? Là, comme ça, maintenant, oui, oui. Allez, je compte sur vous, toutes ensemble, attention, 1, 2, 3. Merci, merci pour ce don d'orgasme, c'est magnifique, c'est léger, céleste, et ce qui est céleste, c'est dans l'ADN des enfants de cœur. Alors Dany sort souvent des best-sellers, hein, que ce soit dans le temps Olivier Rameau, publié dans l'hebdomadaire Tintin, ou maintenant Ludivine, et on sent, à travers Colombe Tire-d'Aile ou Ludivine, que la femme pour Dany sera toujours un corps de muse, mais dans lequel on ne souffle pas, c'est la muse qui vous souffle l'inspiration. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, en librairie, on retrouve Dany à l'étage BD pour enfants et aussi au rayon X, comme quoi Dany prouve qu'on peut vraiment aimer Tintin et Minou. N'est-ce pas, Jean-Jacques? Oui, si vous voulez, mais pourquoi a-t-il changé? Oui, c'est, je crois, à cause de son nom d'origine, car Dany n'est pas son vrai nom. Vous savez qu'il s'appelle Daniel Henrotin, et Henrotin, c'est exactement comme le fauteuil d'Emmanuel, film érotique joué par Sylvia Christel, qui avait pour partenaire un comédien qui s'appelait, c'est vrai, Alain Cuny, un gars dont on connaît assez facilement les positions, tout comme l'autre partenaire du film, Christine Boisson, dont on devine assez facilement l'addiction. Et pour ses œuvres, Dany a reçu en 2011, ici en Belgique, le prix Diagonale de la bande dessinée. Et franchement, avoir le prix Diagonale pour un max de filles à l'horizontale, c'est pas banal, mais ça ne m'étonne pas de sa part. Bravo Dany. Ah, attendez, je retourne, il y a la vidéo Ludivine joue avec Kevin qui commence. Au revoir Momini. Ah, il est très bon, hein, Bruno Coppens, formidable, effectivement. Les prochains enregistrements de cette merveilleuse émission du dimanche matin qui est des enfants de cœur, le 11 après-demain, à Visé, salle des Tréteaux avec Ophélie Fontana et Philippe Reinhardt. Les réservations, mais dépêchez-vous, le 0495 36 38 39. Et puis 15 jours plus tard à Comines, Institut Saint-Henri, avec les deux imitateurs Yann Lambiel, Fabien Lancastel et Ismaël Saïdi, auteur de la pièce Djihad, dans laquelle joue d'ailleurs James Dino. Les réservations au 056 56 00 60. Mesdames, messieurs, le grand moment des enfants de cœur le dimanche matin avant les infos de 10h, c'est l'heure des blagues de merde. Avec tout d'abord Aldo. Allez Aldo, rejoins-nous, viens par ici. Est-ce que tu es capable de marcher comme Aldo Maccione? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on m'appelle Aldo. Ah ouais, il le... Oh, joli. Voilà, c'est comme ça. Alors, regardez les images sur la plateforme audio. Allez, on vous écoute, mon cher Aldo. Blague de merde. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir. Eh bien, voilà, la scène se passe ici chez nos voisins français, chez les Ch'tis. Un couple est en train de déjeuner avec leur fils et... À un moment donné, le fils il dit à son père « Mais dis donc, papa, pourquoi tu es tout rouge comme ça ?»« Oh ben, gamin, écoute, hein, c'est normal, ça c'est le mobilette. »« Oh, oui, c'est le mobilette parce que tu vois ici, nous sommes en plein hiver, et l'hiver il fait froid. Alors, ben, du coup, il y a tout le froid qui arrive dans la figure, et puis c'est comme ça que je suis tout rouge. Oh. » Et... Ben dis donc, papa, et pourquoi t'es tout rouge en été? Ben, en été, ben j'ai tout dit de mobilette. Ah bon? Ben, parce que l'été, le problème, c'est le cholel. Hein, tu ramasses le cholel dans la tronche, et puis alors, du coup, ben, t'es tout rouge. Hein, et puis, voilà. Puis alors, la mère, qui n'avait encore rien dit, hein, dans son coin, elle pousse la bouteille de rouge, et elle dit, tiens, gamin, passez le mobilette à popo. Voilà, bravo, merci. Voilà, merci à vous. Et puis également... Bravo, bravo, merci. Offert par la brasserie d'ici, un magnifique magnum de Chimay. Gilbert, à présent, pour l'autre blague de merde. Gilbert, là, ça m'a l'air d'être un costaud. Allez, Gilbert, un peu de nerf. Oula, il n'a pas l'air content. Ouais, non, viens plutôt de l'autre côté. Oh, il n'a pas l'air content, Jean-Jacques. Il a l'air connu, il est connu. Et tout rouge. Bienvenue en mobilette, Gilbert. C'est pas à cause de la mobilette. Non. Non. J'ai un oncle qu'on appelait Chou Rouge. Ah oui. On surnommait Chourou. Et vous passez un bon moment, mon cher Gilbert? Oh, très bon. Oui. Un album d'Olivier Rameau signé Dany tout à l'heure. Après votre blague de merde que l'on écoute, c'est à vous, mon cher Gilbert. Et voilà. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. Un couple, jeune couple, habite dans un appartement où les cloisons sont quand même un peu étroites. Alors chaque fois qu'ils ont envie de faire l'amour, ils se sont dit, il faut quand même qu'on couvre les bruits. Donc, on va mettre la machine à laver en route, chaque fois qu'on a envie de faire l'amour. Et un soir, l'homme dit à sa femme, dit, si on mettait la machine à laver en route? Oh non, je suis fat, ça va pas aujourd'hui, j'ai encore plein de boulot, etc. Non, je mets pas la machine à laver en route. Et l'homme s'en va se coucher. Tout compte fait, la dame, avec ce qu'elle a entendu, elle se dit, ben, tout compte fait, pourquoi pas? Je vais aller le trouver et lui dire, tout compte fait, on va mettre la machine à laver en route. Elle arrive près de son mari, chérie, je mets la machine à laver en route. Ah, mais il est trop tard, pour la petite lessive qu'il y avait à faire, je l'ai fait à la main. Regardez, Gilbert, là-dedans, il y a de la poésie. Gilbert. Bon dimanche. Et un magnum de Chimay pour vous. Il sera encore plus rouge, à mon avis, après ça. Les enfants de cœur sur Vivacité, du pain béni pour les décoincés du culte. Oh mon Dieu! Dans quelques instants, mes chers amis de Momini, du Cursal, les informations de 10h sur Vivacité. Nous retrouverons bien sûr le feuilleton de Christophe Bourdon, les baraquis qui aujourd'hui se marient. Nous retrouverons également la chronique de Christophe et Jean-Michel de Bénezet, que voici! Ouais. Pas facile, hein? Non, déjà, je voudrais remercier, un petit message personnel, le conducteur de la ligne de bus 156A de Chimay à Momigny. Il faut que je vienne à Momigny pour avoir un bus qui arrive à l'heure, moi. C'est quelque chose. Mais sinon, il y a de plus en plus de monde, hein, sur ma planète, moi. Hein? Parce que le 24 septembre, c'est pas si vieux, hein? C'était la journée internationale pour les sourds. Tant mieux, hein? Eh bien, ils ont fait une émission spéciale de 2 heures sur le sujet, en radio. Et le présentateur disait, si vous vous sentez concerné par la surdité, appelez-nous. La téléphoniste n'a pas été débordée, hein. Moi, je me demande si je ne deviens pas contagieux, moi. Bon, je vais méditer un petit peu, puis je reviens. On le retrouve vers 10h15 sur cette même antenne. Jean-Michel de Bénezet, le journal, et puis la suite des Enfants de cœur. À tout de suite. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Très bon début de matinée à toutes et tous. Il fait frais ce matin avec des températures juste au-dessus de 0 degré sur les Hauts-de-Fagne. De la brume pourrait encore persister par endroits. Ensuite, c'est une belle journée plutôt ensoleillée qui nous attend aujourd'hui. Les éclaircies sont plus importantes sur l'ouest alors que plus de nuages devraient revenir cet après-midi sur la Campine et les hauteurs. Quelques rares gouttes encore possibles par endroits. Il fera assez frais aujourd'hui, autour de 9 degrés sur les hauteurs et 12 à 14 degrés partout ailleurs. Le ciel sera assez chargé la nuit prochaine avec l'une ou l'autre averse attendue au littoral. Des brumes et bancs de brouillard pourraient localement se former avec des températures entre 1 et 9 degrés. Demain, le temps sera plus variable avec pas mal de nuages et quelques averses possibles vers le littoral en matinée. Et puis sur toutes les régions, l'après-midi, le soleil pourrait tout de même apparaître entre les nuages. Les températures resteront, elles, stationnaires entre 9 et 14 degrés. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. 3, 4. Pommes de rainette et pommes d'api, tapis, tapis rouge. Pommes de rainette et pommes d'api, tapis, tapis lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif, cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Créfelle. Non. enfin, pourquoi tu te compliques la vie? Pour les prix, le choix, la livraison express, commande sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. C'est magique. Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Vous êtes bien branchés sur Vivacité, il est 10h. Julie Buron qui nous rejoint pour les informations. Bonjour à tous. La grande soirée Cap 48 au profit des personnes handicapées, c'est donc ce soir et c'est l'apothéose de la campagne des ventes de post-it, une soirée de gala en direct dans le studio 40 de Média Rive à Liège. Une dernière soirée pour tenter d'exploser le compteur des dons. Alors pour faire un don, vous pouvez passer par notre site www.rtbf.be/cap48 ou alors acheter aussi des post-it Cap 48. Une troisième piste s'offre à vous, faire un don par téléphone. Alors on va rejoindre tout de suite l'administrateur délégué de Cap 48, Renaud Tocker, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Charleroi, c'est là qu'est installé le call center de Cap 48. Est-ce que les téléphones frétillent déjà? Eh bien oui, je dois vous dire que nous sommes déjà ravis par l'enthousiasme des donateurs généreux ce matin. Nous sommes déjà à 145 000 euros. C'est le début d'une journée qui sera longue. Comme vous le disiez, bien entendu, on veut arriver haut. On espère faire mieux que l'année passée parce qu'il faut absolument trouver des moyens pour financer les associations qui viennent en aide aux personnes handicapées. C'est bien ça notre vocation aujourd'hui. Eh bien, merci Renaud Tocker. Je rappelle que vous êtes l'administrateur délégué de Cap 48. J'en profite aussi pour rappeler ce numéro où vous pouvez joindre le call center de Cap 48. Ce numéro, c'est le 0800 9 48 81. Le 0800 9 48 81. Et par SMS, eh bien, il suffit de faire le numéro le 48 81. Le 48 81. Les travaux budgétaires reprennent en ce moment au Lambermont, la résidence de fonction du Premier ministre. Le gouvernement fédéral doit procéder au contrôle budgétaire 2016, mais aussi boucler le budget 2017, tout en réalisant une série de réformes structurelles, dont celle de l'impôt des sociétés. Hier, les discussions ont progressé difficilement. Les négociations devraient en principe aboutir ce soir ou alors dans la nuit de dimanche à lundi. Et cette nuit également, aux États-Unis, deuxième affrontement face à face entre Hillary Clinton et Donald Trump. Un deuxième débat entre les candidats à la Maison-Blanche. Un rendez-vous pour lequel le républicain est plutôt mal parti. Hier, une vidéo vieille de 10 ans a provoqué un scandale. Donald Trump y tient des propos obscènes sur les femmes. Yasmina Favaro, le candidat, perd toujours un peu plus de soutien. Des soutiens politiques de taille. Les derniers en date, John McCain, ex-candidat à la Maison-Blanche, Mitt Romney, un autre ancien candidat à la présidence, et Arnold Schwarzenegger, l'acteur et ancien gouverneur de Californie. Tous ont annoncé non, nous ne voterons pas pour Trump. Le milliardaire se retrouve toujours un peu plus isolé. Même son colistier Mike Pence a pris ses distances. « Je ne peux pas défendre ces déclarations », a-t-il affirmé. Alors malgré les excuses de Donald Trump, ça ne semble pas suffisant pour redorer son image. Bref, il est en mauvaise posture pour ce deuxième débat. Oui, en plus Yasmina, il n'y a pas que le monde politique qui se déchaîne sur Donald Trump, les célébrités aussi. Oui, là ce n'est pas nouveau non plus. Souvenez-vous, en juillet, une pétition circulait déjà du côté d'Hollywood. De Will Smith à Jane Fonda, plus d'une centaine d'acteurs et de musiciens appelés à s'unir contre la haine en votant contre Trump. Et là, un autre acteur prend la parole, il s'agit de Robert De Niro et il est plutôt virulent. Il est tellement stupide, c'est un minable. un chien, un porc, un arnaqueur qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fout de tout, qui pense qu'il joue avec les gens, qui ne paie pas ses impôts, c'est une honte pour notre pays. Est-ce que c'est quelqu'un que nous voulons comme président? Je ne crois pas. Robert De Niro qui ajoute « Je lui mettrais bien un coup de poing, un monologue presque digne de celui que l'acteur tient dans le film Taxi Driver ». Les précisions de Yasmina Favaro. Le sport en bref, en tennis, David Goffin a échoué en finale à Tokyo. Il s'est incliné il y a juste un peu plus d'une heure face à l'Australien Nick Kyrgios, 14e mondial. Au Japon toujours, victoire de Nico Rosberg au Grand Prix de Formule 1 de Suzuka. L'Allemand a mené de bout en bout et marque des points décisifs pour le titre mondial. Et puis en football, Sébastien Pocognoli a été rappelé pour remplacer Jordan Lukaku, blessé. Les Diables Rouges qui s'envolent aujourd'hui vers Gibraltar. Le match est prévu demain soir. RTBF Mobile Info avec vous, Adrien Demey. Vous nous signalez un accident survenu sur le 42. Oui, qui s'était produit, car on l'apprend juste à l'instant, il y a quelques secondes. La chaussée est à présent dégagée à hauteur de Dizon dans le sens Bâtisse vers l'Allemagne. Plus d'entrave donc, à hauteur de Dizon vers Saint-Vite. Pour le reste, un véhicule se trouve en panne sur le ring de la capitale en circulation intérieure. Eh bien non, également là-bas, la chaussée vient de nous être signalée, dégagée. Donc, plus d'entrave à hauteur de Jette. Ça étant dit, le trafic était ralenti. Cela va se résorber donc à l'approche de Jette depuis Grand Bigard vers Zaventem. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La suite du programme sur Vivacité, c'est les enfants de cœur avec Jean-Jacques Brunin. Merci, c'était le journal de Julie Buron. Nous retournons au Cursal de Momigny. Livre vos vins préférés partout en Belgique. CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Un sacristain de 74 ans s'est retrouvé devant le tribunal de Namur après avoir roué de coups une dame qui, selon lui, ne respectait pas le règlement de l'église où elle se trouvait. Interrogé par le juge, le sacristain aurait déclaré « Je ne vois pas où est le problème, j'ai juste voulu multiplier les pains ». Les enfants de cœur. Mominien, Mominienne, allez-vous toujours bien ? Bon dimanche matin, c'est le retour des enfants de cœur jusqu'à 10h30 avec Cody, yes. Jem Dino, Christophe Bourdon, Dominique Watrin. Oui, oui, oui. Et quel plaisir d'accueillir ce grand de la bande dessinée, Dany, avec nous jusqu'à 10h30 pour tous ses albums, mais aussi et surtout pour le dernier, Ludivine, fan d'histoire, vous le disiez, parce que c'est vrai que les histoires peuvent paraître légères comme ça, mais tous les faits signalés sont authentiques. Absolument, c'est très documenté et manque pas un bouton aux uniformes quand il y a des uniformes. C'est pas, oui. C'est pas à toutes les pages, mais je suis passionné d'histoire et je me suis vraiment amusé à être le plus crédible possible dans la fantaisie la plus totale. Mesdames, messieurs, James Dino. Un père de famille s'est levé une nuit, il a pris sa voiture, il a roulé 23 km jusqu'au domicile de ses beaux-parents, il a poignardé à mort sa belle-mère, il a gravement blessé son beau-père, ensuite il est allé à la police, il s'est rendu et à son procès il a été acquitté. Pourquoi ? Oh, oh. Somnambulisme, non ? Oui. Bah oui. Ah oui. Ah, il m'a niqué ma chute. Je te jure que je sens. Il avait même pas lancé le gong encore. C'est ce qu'on appelle une excellente question. Le mystère. Une trouvaille imparable de James Dino. Que dire de plus? Absolument rien dire. Alors que... Mais merci d'être venu. Et... Oui, alors que Cody, s'il avait dit somnambule, aurait dit non, puis à la fin, il a dit il dormait. Ah, mais... Eh bien, moi, j'en ai une pas mal, je pense. Ah. Un jeune prêtre polonais partait régulièrement en retraite spirituelle dans la forêt voisine avec une dizaine d'enfants de cœur de la paroisse. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe. Mais ce n'est pas vraiment prier qu'il faisait. Aïe, aïe, aïe. Quoi donc ? Oh là là. C'est comme le gars avec les moutons ? Non. Non, non. Non, mais... Il n'éteignait pas. Alors, est-ce qu'il... Il les allumait. Il les tondait, oui. Ça n'a rien de sexuel. Ça n'a absolument rien de sexuel. Non, il chantait. Ce n'est pas mon genre. Mais il les faisait travailler. Pas spécialement travailler. Il les faisait chanter? Non. Il faisait courir. Non. Cueillir des champignons. Non. Mais ça aurait pu. Il a eu des problèmes en faisant ça ou... Oui, absolument. Il a été jugé. Ah, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Il les a chassés. C'était dans un petit camp naturiste ou... Pas du tout. Il les servait de gibier. Il les faisait boire. Non. Il les saoulait. On approche. Ah, voilà. Il est drogué. Il est drogué. Ah, avec les champignons. Non, absolument. En fait, au lieu de prier, tout ce petit monde roulait des joints et les grillait ensemble. Ah. Mais attendez, le meilleur, c'est que c'est l'argent de la quête qui permettait d'acheter le cannabis. On savait déjà que les Polonais buvaient comme des trous. Oui, mais maintenant ils fument aussi. Ouais. Voilà l'exemple d'une bonne question mystère. Merci. Voilà. Bon, Christophe Bourdon, vous êtes prêt? Mais oui. Eh bien, on peut l'applaudir. Ça va? Ça va? Tu ris, Kikrovo. Impossible de le réveiller, hein. Tu vas pouvoir passer toute notre vie ici, hein. Mominien, Mominienne, je vais être franc avec vous, je ne connaissais pas Momini. Certes, Jean-Jacques m'avait bien dit, tu verras, Christophe, c'est dans le trou de cul du monde. Enfin, si je vous avoue, je connaissais un peu Momini, mais uniquement au cinéma, puisque j'avais évidemment vu tous les films de la série. Hein. La Momini, le retour de la Momini, la revanche de la Momini. Mais en dehors de ça, je ne savais rien de Momini. Du coup, je suis allé sur le site internet de la commune, momini.be, et je vous avoue, je me suis posé pas mal de questions. Ces questions, j'ai envie de les partager avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! Évidemment, sinon la chronique serait finie. Alors, sur le site de momini.be, j'ai appris, par exemple, que plus de 140 000 euros vont être octroyés par la région Wallonne à la SBL entre Sambre et Meuse pour acheter un bâtiment qui sera ensuite aménagé en crèche. Et là, je pose la question, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de dépenser 140 000 euros pour aménager un endroit qui va servir 15 jours par an pour abriter des statues moches d'un âne, d'un bœuf, de trois ramages et du petit Jésus? Je pose la question. Quand on voit le prix des tables... Hein. Mais c'est vrai qu'on revient dans les tables. Toujours sur le site, j'ai enfin trouvé le titre suivant. Parc à conteneurs, la courtoisie est de mise. Les préposés des parcs à conteneurs ont en effet marre que les gens les insultent car ils doivent faire la file. Et là, je pose la question, est-ce que ce n'est pas normal dans un parc à conteneurs de se faire traiter d'ordure? C'est alors que j'ai vu toujours sur le site qu'un printemps sans pesticides avait eu lieu à Momini et que pour l'occasion, les usagers des parcs à conteneurs avaient reçu une tapette à mouches. Et là, je pose la question, est-ce que c'est normal que des employés de parcs à conteneurs qui se plaignent d'être insultés accueillent les citoyens en disant « Tiens, tapette !» Je le voyais venir. Autre info trouvée sur le site, l'inauguration le 24 septembre dernier de deux bornes électriques pour vélo et voiture. Et là, je pose la question, quand tu veux inaugurer deux bornes électriques, comment tu fais pour mettre les gens au courant? Et je me suis même posé une deuxième question, c'est si tu gardes ta voiture électrique trop loin de l'endroit, est-ce que la police te dit « Eh, attention monsieur, tu dépasses les bornes » Et puis j'ai trouvé sur le site de momini.be un lien vers un autre site, celui de la Maison de la Culture qui nous accueille aujourd'hui, culturemomini.be. Et on peut y trouver, Jean-Jacques, c'est vrai, un calendrier des événements qui ont lieu dans le coin. Je vous lis le calendrier mois par mois. Janvier, rien. Février, rien. Mars, rien. Avril, mai, rien. Juin, rien. Juillet, rien. Août, rien. Septembre, faux. 25 septembre, marche gourmande. Et là, je pose la question, faites comment pour manger le reste de l'année? J'ai alors un peu exploré cette marche gourmande, ça m'intriguait. J'ai appris qu'elle avait lieu au château ferme de Mâcon et que parmi les nombreuses activités proposées ce jour-là, il y avait un château gonflable. Et là, je pose la question. Le type qui a eu l'idée de mettre un château gonflable dans un vrai château, est-ce qu'il va au lieu en mettant une poupée gonflable à côté de sa femme? Et enfin, dernière question. Comme cette marche gourmande me passionnait, j'ai voulu terminer mes recherches en trouvant un peu plus d'informations pratiques sur ce fameux château ferme de Mâcon. Et là, je vous pose cette dernière question. Un château ferme, quand est-ce que ça ouvre? Merci! Christophe Bourdon!

Oui, tout à fait. On a initié le projet Inclusion qui vise en fait à permettre à nos bénéficiaires, qui sont des personnes en situation de handicap mental profond, avec pour la moitié d'entre elles également des handicaps physiques surajoutés, le projet de leur permettre de rencontrer un public extérieur, c'est-à-dire de leur permettre d'être des citoyens à part entière. Alors voyez un petit peu le défi, hein. Quand vous avez des capacités intellectuelles diminuées, quand vous avez une autonomie très limitée, quand vous avez des difficultés pour vous déplacer, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors pour cela, on a lancé un appel à Cap 48 qui nous a entendu en 2015. Hein. C'est chouette ça. Ah ouais. Oui, tout à fait, on peut bien sourire parce que c'est quand même 20 000 euros que Cap 48 nous a offert. Oui, oui. Ouais. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont donné, tous vos auditeurs, hein, pour leur générosité. J'ai envie de dire, continuez à donner encore aujourd'hui. Via le 0800 9 48 81. Ouais. Tout à fait. Et ça fait plaisir, ça permet de rendre de l'autonomie à ces personnes-là à travers ce projet de ferme pédagogique d'un parc animalier où, bien sûr, ces personnes avec un handicap pourront s'épanouir, mais aussi des cynaciens et des personnes venues d'ailleurs pourront venir se rendre, passer un petit moment comme ça et rencontrer ce public différent, mais tellement riche, tellement intéressant. C'est un projet enrichissant, ça, quand même, hein, ce projet de ferme pédagogique. C'est un projet très enrichissant qui est vraiment accueilli avec beaucoup de bonheur dans la région et qui, je pense, va s'avérer très prometteur. Donc, soyez généreux, on a besoin de vous. Oui, et puis, vous connaissez bien Cap 48, hein, Vincent, puisque vous êtes l'organisateur des bénévoles à Dinan, c'est ça, hein ? Oui, oui, tout à fait, pour l'arrondissement de Dinan, c'est-à-dire depuis Vresse-sur-Semois, les Ardennes-Namuroises, ouais, jusqu'à Avlanche. Hein, et je peux vous dire qu'on s'est mobilisé, hein, on s'est bien mobilisé, et je remercie vraiment tous ces bénévoles, hein, jeunes, moins jeunes, écoles, mouvements de jeunesse, enfin, tous étaient dans la rue, et certains sont encore dans la rue ce matin, alors, s'il vous plaît, soutenez-les, achetez des post-it Cap 48. Et puis téléphonez, nous sommes ici complètement à votre écoute. Faites un don s'il vous plaît pour cette édition 2016 Cap 48, le 0800 9 48 81 avec une thématique cette année, le handicap qui survient au cours de la vie. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? 0800 9 48 81. Voilà Jean-Jacques. Merci Serge, c'est le retour des enfants de cœur jusqu'à 10h30. Une petite citation pour se mettre en train. Et très jolie, je trouve. La beauté pour une femme, c'est d'être aussi belle de fesses que de face. Mmh. Oui, c'est très beau, hein, ouais. Très très beau. Raymond Queneau. On appelait Raymond Queutard aussi. Pour sortir un truc pareil, mon Dieu. Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est pas possible. Bon, ben voilà, un autre style de poésie, beaucoup plus liégeoise. Jean-Michel. Comme la nature m'a fait, belle la ducteur en fin, moi qui. Je suis au taquet là. Oh, il m'en est encore arrivé une bonne. Je l'avais dit hein, que je ne devais plus jamais prendre les ascenseurs, que j'avais déjà été bloqué une fois, v'là que ça rattaque. Le sourd s'acharnait. C'est parce que j'ai pas réfléchi en rentrant dedans, parce que j'étais en train de faire le point avec moi-même. Ça, je fais encore bien, j'aime bien. Avec ça, j'étais distrait et je monte dedans. Et voilà cette pièce-là qui se bloque. Ça fait qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Ça, attendre, c'est quelque chose que je fais très bien. Ça, je le tiens à mort. Hein. Ça, à Liège, on sait attendre à crever. Hein. On attend le train, on attend le bus, on attend une victoire du Standard. Ça, attendre à Liège, c'est une religion. Hein. On attend. Et j'étais là, il y avait une femme avec son petit gosse, et il y avait un type qui ne parlait pas comme nous. Enfin, pas comme moi, il n'y a personne. Mais comme tout le monde, il ne parlait pas français, c'est pas grave. Et à un moment, le petit gosse demande à sa mère, qui dit qu'il voudrait bien faire pipi. Et moi, pour détendre l'atmosphère, je dis à la femme, « Ah ben oui, votre fils, il est comme moi, il ne s'est pas été étanche très longtemps. » Et je voyais qu'elle me regardait drôlement. Et je lui dis, mais rassurez-vous, savez-vous, je n'ai rien bu avant de venir ici, donc vous n'avez rien à craindre avec mon étanchéité. Ça ne la rassurait pas plus, hein, parce qu'elle a pris son téléphone, elle appelle son mari, ou son ami, en fait. Je ne lui ai pas demandé son livret de mariage dans l'ascenseur. Hein. Et alors elle l'appelle, elle dit, écoute, je suis bloqué dans l'ascenseur avec le petit qui a besoin de faire pipi, et il y a un homme bizarre. Elle raccroche. Je dis, madame, c'est pas gentil, c'est pas parce qu'il ne parle pas comme nous qu'il est bizarre. Elle ne parlait pas de lui. Mais je dis, non, hein, madame, C'est pas que je suis bizarre, je suis construit différent, c'est tout. Je dis, mais j'aime la même chose que vous, le restaurant, le cinéma, j'aime bien les enfants. D'ailleurs, avec mon ami du mardi, on a décidé, non, pas d'en faire erreur, hein, parce que nous deux, le magasin est vide, hein. Il n'y a plus que la façade. Mais... Non, mais on s'est dit, tiens, on en garderait bien pour rendre service. Par exemple, vous, madame, si vous voulez aller au restaurant une fois, on peut garder le petit. Là, j'ai bien vu qu'elle voulait fuir. Mais fuir dans un ascenseur, tu ne vas pas loin, quand même. Fait qu'il a finalement redémarré et elle est sortie. Ça me fait penser que j'ai complètement oublié de lui donner mon numéro de GSM si elle a besoin de moi. Voyez, ça, c'est mon problème. Hein, ça. J'ai toujours une bonne idée au départ, mais... Toute ma vie, ça a été mon problème. Conclure. J'ai toujours eu un problème pour conclure. Et pourtant, je vais le faire aujourd'hui en vous disant qu'il n'a quand même tandis que ça quoi qu'il ne va n'est. Hein. Jean-Michel de Bénezet en image sur la plateforme Ovio. Dernière petite pause avant les baraquis, la conclusion de cette émission des Enfants de cœur. À tout de suite. Retrouvez les enfants de cœur en son et en image sur rtbf.be/ovio. Cap 48, le défi des 100 km. Ces 8 et 9 octobre, Julie Morel, l'équipe info et les 5 radios de la RTBF emprunteront les sentiers de grande randonnée pour une seconde édition du défi des 100 km. Parrainez-les pour récolter un maximum d'argent au profit de l'ASBL Les Héliotropes. Plus d'infos et vos dons sur cap48.be. En télé sur la Une, Cap 48 vous a concocté une soirée inoubliable. Des reportages émouvants, des surprises et des artistes comme Puggy, Julien Doré, Jennifer, Christophe Maé et M. Pokora. Et on va exploser le compteur. Tous ensemble à la soirée Cap 48, ce dimanche soir, en direct sur la Une. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Outigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Outigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Salut, c'est Divo Corrigui sur Vivacité, la radio diablement complice. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10? Faut te reprendre, hein? Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. La Corée du Nord a mené un nouvel essai nucléaire, le 5e. Pour rappel, les 4 premiers ont été faits sur les frères Bogdanov. Nous attendons avec impatience le résultat du 5e. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Depuis le Kursaal de Momigny, à l'invitation du comité jugelage et du centre culturel. Un petit salut à notre ami Alex Vizorek, chez nous le 15 octobre prochain à Braine-l'Alleud, le 22 à Bruxelles, le 29 à Liège et le 5 novembre à Mons. Un petit coup d'œil du côté de Cody qui sera très actif ce soir. Ben oui, ce soir je serai au call center à Charleroi pour Cap 48. Donnez. Et puis évidemment avec James Dino, un jeudi sur deux dans le Grand Cactus aux côtés de Jérôme de Warzé. Cody ne donne pas ton numéro de compte quand les gens appellent. Hein. Les prochains enregistrements. Enregistrement des Enfants de cœur après-demain à viser. Donc ne tardez pas si vous voulez nous rejoindre et applaudir Ophélie Fontana et Philippe Reinhardt. Les réservations 0495 36 38 39. Et puis 15 jours plus tard à Comines, le 25 octobre à l'Institut Saint-Henri avec Yann Lambiel, Fabien Lecastel et Ismaël Saïdi. Vite, vite réservé le 056 56 00 60. Nous y étions il y a un an et demi, je pense, avec notamment Lou de Prague. Exactement. Et Camini. Dany, avant de passer au Baraki dans lequel vous avez un rôle, puisque les Baraki se marient, grand voyageur, je le disais, si vous deviez citer deux, trois endroits dans le monde pour lesquels vous gardez une image indélébile. La baie de Naples, par exemple, avec la presqu'île de Sorrente, etc., Amalfi, tout ça, c'est peut-être un des plus bel endroit du monde. La côte amalfitaine, c'est ça. La côte amalfitaine, oui, c'est ça. Mais toute la péninsule aussi de Sorrente et le golfe de Naples, c'est absolument somptueux. Ouais. Sinon, ça fait un peu plus exotique, mais Rio de Janeiro, c'est pas mal non plus. Vous avez fait le monde entier ? Presque, oui. Oh, quelle chance. Hein. Vous partez... Non, il reste encore quelques... Oui, mais il vous reste du temps. Hein. Ouais. Amalfi, c'est pas à Liège. C'est une fois que j'ai bousculé un gars, il me fait tant mal, fille. Bon. On peut l'éteindre bientôt. Et je pense que c'est l'enchaînement idéal pour annoncer les Barakis. James Dino, dont il est l'auteur d'ailleurs, James Dino, c'est Kevin Josiane, la maman Baraki, Dominique Watrin, Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane, et Cody Kevin Bryan, le fils Baraki, aujourd'hui avec Dany dans le rôle du prêtre. C'est un rôle de composition. Je m'en doute. Les Baraki se marient. Amen. Mes chers amis, nous voici réunis en cette église pour unir deux êtres qui s'aiment profondément. Kevin Josiane, on a le temps de finir notre clope. Le curé va d'abord faire deux personnes qui s'aiment profondément. Ben ouais, mais c'est nous, un baraki de kermesse. Tu as dit. Je savais qu'il racontait n'importe quoi dans la religion, mais là, ça va quand même vachement loin. Hein? Excusez-moi, mais c'est interdit de fumer dans l'église. Veuillez éteindre votre cigarette, je vous prie. Eh, on a le droit, hein? La preuve. On est quel jour? Ben, on est mercredi, pourquoi? Ah ben voilà, c'est le mercredi des cendres. Je vois. Kevin Josiane, Kevin Oufti, je vous propose à présent d'avancer vers l'hôtel. Quoi? T'as réservé un hôtel? Et je te préviens, je peux un âme grosse là. Quel imbécile couillon, je te jure. Allez, avancez. Kevin Bryan, tu peux mettre l'air de la marche nuptiale? Ah oui, Kevin Bryan, fais péter la musique des mariés, Guidi. Ah ok, pas de problème. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Excusez-moi, mais ce n'est pas la musique des mariés, ça? Ben si, c'est Marié Myriam, hein? C'est pas possible. Bon, Kevin Josiane, Kevin Oufti, vous avez choisi de vous unir pour le meilleur et pour le pire. Ouais, non, nous c'est uniquement pour le pire. Hein. Silence! Allez, je vous propose à présent d'échanger vos vœux. On commence avec vous, Kevin Oufti. Ok. Kevin Josiane, si tu prends mon pépé qui se bave dessus, je te prends ta grand-mère qui fait sous elle. Je peux savoir ce que vous faites, hein? Ben, ce que tu nous as dit, hein, grand. On échange nos vieux. Vos vœux. Vous échangez vos vœux. Ok, ça va, t'excites nul, curé, hein? Direct, t'as vu un enfant. Alors, Kevin Oufti, moi, j'ai qu'un seul vœu. Que tu crives. Ah ouais, moi pareil. T'as vu, Guré? On veut la même chose, hein? Mais c'est pas possible. Bon, allez, on va passer au consentement. Au quoi? Les consentements, quand tu dis que tu consens. Ah, ça c'est clair que Kevin Josiane, c'est quelqu'un consent, hein? Et de loin, hein? J'en peux plus. Kevin Oufti, acceptez-vous de prendre Kevin Josiane? Ici? Devant tout le monde? T'es un chaud de la soutane, hein, toi? De prendre Kevin Josiane comme épouse et de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Minga, t'es un son méga dur, tes questions en toi. Je peux faire appel au public? Comme vous voulez, au point où on en est. Et quoi? Je prends ou je le prends pas? En mariage, hein, bande de commissaires. Oui, je m'en doutais, vous êtes tous descendus, que c'est, je la prends, là. Bon, allez, on va échanger les alliances. Ouais, tiens, les vlins, grand. Mais c'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse, mais vous avez refilé deux anneaux tout dégoulinants? Ben ouais, c'est mes anneaux gastriques. Ah. Ouais. Ben ouais, ça fait des économies. Et pour la pierre précieuse, on a pris mes pierres au rein. Jésus, Marie, Joseph. Bon, allez, je vous déclare unis par les liens du mariage, vous pouvez embrasser la mariée. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de mettre la langue, hein. Mais il ne faut pas l'allonger sur l'autel non plus, ça suffit maintenant. Tiens, des kérabajons, non, mais on vient que t'as pas de femme, hein, toi. Bon, allez, vous pouvez quitter l'église. Kevin Bryan, je sais que tu as prévu une chanson romantique pour la circonstance, on l'écoute. Et je serai content quand tu seras mort. plus rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu, je suis content d'avoir ta peau. Dieu, chavon. Ah bon, mais bon, d'accord. Eh bien, en tout cas, j'ai rarement vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal, hein.